Il n'y a rien de pis qu'un matin qui copie le matin de la veille, le matin d'avant-veille. Quand le matin aux vêpres et le soir aux matines se mêlent comme la lèpre avec la scarlatine. Lorsque sans crépuscule les matins ridicules, quand les soirs éjaculent, rougeoyant de pustules. La nuit n'est plus qu'en nuit, et le jour est sans jour, l'homme est trop laid essentiel quand il perd l'essentiel. Rendez-nous l'homme, sale temps d'automne, et rendez l'âme, hiver, infâme. Rendez-nous la lumière, rendez-nous le soleil avant la mise en bière et le dernier sommeil.